Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau mag sur Radioactive. Aujourd'hui, je vous propose un retour sur Mononfête. Le Festival des métiers d'art s'est en effet déroulé ces 12, 13 et 14 septembre, mettant à l'honneur le savoir-faire et la créativité de passionnés. Parmi eux, nous avons rencontré Eliane et Patrick Faury, installés à Limeré. Elle est tapissier, artisane d'art et lui s'occupe de toute la partie électrique. Ensemble, ils forment un duo complémentaire qui a imaginé une clinique de l'abat-jour et de la lampe. Leur idée, redonner vie à des objets auxquels on tient, en alliant technique et sens artistique, on les écoute. Sont avec nous Eliane et Patrick. Bonjour Eliane et Patrick. Bonjour, c'est Eliane. Bonjour, c'est Patrick. Et vous, c'est comment ? Marlène. Bonjour Marlène. Alors, expliquez-moi qu'est-ce que c'est que la clinique de la lampe et de l'abat-jour ? Alors, comme l'indique son nom, c'est une clinique. Je suis donc le docteur Patrick et j'ai une infirmière avec moi qui s'appelle Eliane. Et en fait, on récupère des vieux pieds de lampe, des vieilles choses qui peuvent servir de pieds de lampe et on les transforme, on leur redonne une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Et on fait pareil avec les abat-jours, on récupère toutes les carcasses d'abat-jours qu'on trouve et on refait les abat-jours. Et l'idée pour nous, en fait, quand on a fait ça, c'est un, de rien jeter, tout récupérer, redonner une vie à tout ça. Et de deux, c'est de faire de la lampe, en fait, un objet de décoration et de véritable décoration dans les espaces. D'ailleurs, Marlène peut en témoigner, c'est extrêmement coloré. Voilà, et c'est de ramener de la couleur et de ramener de la lumière dans les maisons. Voilà, en gros, à quoi sert la clinique et voilà pourquoi ça s'appelle la clinique. C'est qu'en fait, on sauve la vie de ces bonnes vieilles lampes. Docteur Patrick, effectivement, j'en témoigne, on a plein de couleurs, plein de styles différents, on a des tissus japonais, des socles en cristal, en fer forgé, enfin c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Puis alors, il y a le côté personnalisable, ça c'est important. Alors ça, c'est notre deuxième activité en ce qui concerne les lampes, parce que je ne l'ai pas précisé, mais Eliane, ma compagne, elle est tapissière. C'est artisan. Le chef même. Hein. Moi, il m'a dit, c'est le chef. Oui, je confirme, c'est le chef. Alors oui, parce qu'on travaille aussi sur les lampes des particuliers qui nous les amènent pour essayer de... Voilà. Alors quand je dis les lampes, ça peut être autre chose. Ça peut être une lampe à pétrole, ça peut être une vieille lampe des arrière-grands-parents. Et donc, ils nous amènent leurs lampes. Voilà. On retravaille sur leurs lampes et on refait aussi les abat-jours des particuliers. Alors, surtout, on dit aux gens, ne jetez pas votre abat-jour. Nous, on va récupérer sa carcasse et on va retravailler avec vous sur ça ben jour. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est de travailler aussi sur la lumière. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avec votre lampe ? Est-ce que vous lisez, besoin de votre lampe pour lire, ou est-ce que c'est simplement un petit objet de décoration pour amener un lot de lumière dans un coin ? Voilà, on a un vrai travail sur la lampe. Voilà, est-ce que vous voulez mettre le pied de votre lampe en valeur ? Est-ce que vous voulez simplement avoir des petites touches ? Est-ce que vous voulez avoir des lampes qui aient plusieurs types d'éclairage ? Voilà, l'idée, elle est là. C'est, on fait une vraie étude personnalisée sur c'est quoi la lampe pour vous. Alors vous travaillez tous les deux, vous avez un atelier qui s'appelle la petite broque chic d'Eliane, qui est à Limeré, donc c'est vraiment tout près. Oui, c'est ça, enfin c'est tout près d'Amboise. Alors dans l'atelier, on a trois départements. Le département en fait, de l'artisane tapissier, de ma compagne. Vous allez me dire, elle ne parle pas beaucoup, mais bon. On va lui donner la parole. Quand elle va se lâcher, ça va être quelque chose, allez voir. Et puis après, on a un deuxième département qui est donc consacré aux lampes de manière générale. Et on a un troisième petit département qui s'appelle la petite broque chic d'Eliane, où il y a des dizaines et des dizaines, je pense même des centaines de petits objets. Et notre devise, c'est ça sert à rien, mais c'est joli. Ça permet de redonner vie à des objets qui auraient pour nous une valeur sentimentale particulière, comme on parlait de la lampe à pétrole tout à l'heure, où voilà, on jette pas, on recycle, on redonne une vie, on repersonnalise un objet. C'est ça, exactement. Ça se fait dans les fauteuils surtout, parce que moi j'ai des gens, des clients qui viennent et qui me disent bah, « ça c'était le fauteuil de ma grand-mère ou de mon grand-père ou du papa des fois aussi ». Donc ils n'ont pas envie de le jeter, quoi. Et plutôt que de le jeter, bah, ils ont envie de le refaire et puis que ça reparte dans la nouvelle génération qui est à venir, quoi. Donc là, pour ça, ils sont contents. C'est vrai que l'esprit de garder un souvenir est important, quoi, quand même, ouais. Même si c'est qu'un fauteuil. Pierre, il y a quelque chose qui vous caractérise tous les deux particulièrement, ça fait quelques minutes qu'on discute maintenant, mais c'est le côté accessible à tous. Enfin, quand on regarde vos articles, qui sont magnifiques, on est vraiment sur des tarifs abordables. Et ça, c'est une volonté vraiment de votre part. Ah oui, tout à fait, oui. Nous, on veut que chacun puisse avoir sa lampe à son goût, à son plaisir, quoi, tout simplement. Nous, on estime que chacun a droit à avoir son petit plaisir, quoi. Voilà, et pas trop cher. Et puis vous aimez les gens, vous aimez les rencontres. Alors là, du coup, vous avez plein d'enfants. Là, c'est quoi les réactions des enfants, des jeunes, des collégiens quand ils passent devant votre stand ? Bah, ils sont surtout émerveillés par les personnages là. Et ça, voilà, ça... Pour les auditeurs, on retrouve Bécassine, Dingo, Mickey, Obélix, Donald, Snoopy. Voilà, avec des petites lampes tirelire. Ça les épate, quoi. Ils sont scotchés devant. Et souvent, enfin, notamment une fois sur un salon, on avait une petite fille qui était restée devant Mimi. Et puis les parents, ils ont été obligés d'acheter parce que la gamine ne voulait pas partir. Quoi. Le papa, il est revenu en disant « Non, alors vous, je vous en voudrais à vie. On va être obligé de la prendre parce que honnêtement, je n'en peux plus. » Voilà, voilà. Non, mais elle était complètement amoureuse. Voilà. Non, mais on a des histoires comme ça. On pourrait en avoir des dizaines d'histoires à raconter, des gens qui sont tombés en pamoison sur nos lampes, sur des objets, etc. Parce que, voilà, enfin, sur Bécassine. Alors, Bécassine, c'est complètement dingue. Ce sont les adultes qui nous achètent Bécassine. Ah, je suis pas on étonnée. A toujours, toujours une Bécassine. Parce que vous regardez le public de Chantal Goya aujourd'hui, non, c'est pas les enfants. Hein. Ah oui, alors il vaut mieux acheter Bécassine que Chantal Goya, enfin, à mon avis. Enfin, je sais pas si ça peut... Non, mais franchement, elle est plus allumée celle-ci. Hein. Franchement. Non, mais voilà. Et puis, non, mais après, il y a aussi les tissus. J'en parlais, on a des tissus japonais. C'est une jeune femme qui est japonaise qui, sur Paris, nous découvre des tissus et nous les propose. Et voilà. On a des tissus wax, on a des tissus Liberty. Voilà, on essaie de varier aussi les plaisirs. Voilà, moi, je trouve que c'est ça. C'est presque une poésie, parfois, la lampe. C'est vrai que ça raconte une histoire. Les tissus japonais racontent toujours une histoire. Voilà. Et puis, ça, alors, honnêtement, quand on l'allume, ça explose de couleurs. C'est vraiment magnifique. Enfin, voilà. Donc nous, on dit toujours aux gens, venez à l'atelier. Voilà, on n'est pas seulement là pour vendre, on est là aussi pour dire, venez nous voir, parce que pour le coup, vous allez voir, vous allez passer un moment assez, assez sympa. J'ai toujours une ou deux histoires de oui-oui à raconter, comme ça, ça permet comme ça de détendre un peu l'atmosphère. Et puis les gens restent là, on prend un petit café, un petit thé, et puis on commence à discuter. Voilà, il y a des gens qui sont devenus des amis, enfin des gens qui venaient, voilà, et qui ne peuvent plus en décrocher. Non mais c'est fou, il y a des gens qui viennent, ils savent qu'on va sur un salon, ils viennent voir d'abord ce qu'on a fabriqué. Oh, non, c'est là, tu le mets de côté. Non, c'est là, tu l'envoies pas. Oh, pop, c'est là, je la garde. Oh, non mais ça, d'ailleurs, il y a des lampes qu'on n'a pas amenées, qui sont effectivement magnifiques. Voilà, elles sont à mon image. Si je le dis clairement, magnifique. Voilà, tout simplement. Et puis, ça prouve aussi que, par rapport à vous, Eliane, je me tourne vers vous, mais sur la carte, on lit « artisane », donc un mot qui est féminisé, mais « artisane », « tapissier ». On ne dit pas « tapissière », ça ne se féminise pas. Bah, peut-être, mais ce n'est pas joli, quoi. À l'oreille, ce n'est pas très joli. Hein, elle a un diplôme de tapissier, d'accord. Donc, en fait, on retrouve beaucoup de femmes dans l'artisanat d'art. Maintenant, c'est plus... C'est... Non, de plus en plus, hein, même dans le métier de tapissier. On retrouve plus en plus de femmes qui sont sur le marché quand même. Qu'à l'époque, parce que mon père était tapissier, donc pour le coup je peux en témoigner, les femmes il n'y en avait presque pas. Hein. Et puis les hommes ils ne voulaient pas de femmes, hein, de toute façon. Pour eux c'était pas un métier de femme. Hein. Donc du coup, ouais. Mais je préfère artisane tapissier, tapissière c'est pas joli quoi. À l'oreille c'est pas beau. Ça sonne mieux à l'oreille. Hein. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Eliane. Patrick est en train d'accueillir de nouveaux potentiels clients, peut-être. Donc, je vais en tous les cas vous remercier du temps que vous avez pris. On rappelle pour nos éditeurs que vous êtes installés à Limré, 10 places de l'église. Eliane et Patrick Faury. Un petit mot aux auditeurs. Eh bien, merci à vous et puis peut-être à bientôt, avec plaisir. Voilà, au revoir. Merci beaucoup. Et merci, Patrick. Oh bah de rien. Patrick, il était occupé, on a clôturé. Non mais voilà, et puis n'hésitez pas, vous pouvez venir à l'atelier à Limeray. Hein, franchement, donné l'adresse, voilà, on c'est a fait sûr. Ça bien. Voilà, non mais voilà. Donc bon, que puis-je ajouter? Alors à part vous lire la petite phrase qui maintenant est devenue un peu notre devise, l'artisanat en fait est l'âme qui donne vie à la matière, transformant humblement la culture en œuvre d'art. Voilà. Et bien sûr, alors, ces mots. Ceux qui n'ont pas tout compris dans cette phrase peuvent aller aux toilettes méditer. Merci à tous les deux. Belle et amusante rencontre avec Eliane et Patrick Faury qui associent leur talent pour allier esthétique, technique et transmission autour de la restauration des abat-jours et des lampes. Un duo qui incarne parfaitement l'esprit de Mône en Fête, valoriser les savoir-faire, mêler tradition et innovation et surtout redonner vie à des objets qui comptent. Merci à eux pour cet échange chaleureux et merci à vous de nous avoir suivis dans ce mag. On se retrouve bientôt sur Radioactive pour de nouvelles découvertes locales.